fois, c'est pas une bagarre entre deux piliers de comptoir. Ou un connard qui veut cramer la gueule de quelqu'un avec sa bonbonne de gaz. C'est du lourd, ma petite carré. Écoutez, faites très attention. Ça va péter, il va pleuvoir du sang par une litre. Je veux votre meilleur homme sur cette affaire. J'ai l'homme parfait pour ça. La pilule ne passe pas contre ma rage, y'a pas de contraceptif, on fait du sang secret. Donc va pas dire risque la contraceptif, fais pas le pitre, tu seras démonté, pire que la chatte à l'Ikim. Depuis 5 puits, j'ai le moral plus à plaque. Les seins jeunes Birkin, on propose quoi faire quand je vois que les sauces gambergent toutes les grosses taupes tu sur des grosses doses. D'en fait pour ma cause, gros, je m'endette, je deviens claustro. Je m'enferme, ça s'arroge, pose dans ce pose où je m'enterre, je suis pas le gosse, pose, je t'emmerde, je ferai pas de grosse pose. Sans dès que je dis à grosse dose. Donc quand je pose, grosse tempête, ma prose implose. Sans thème, ma cause impose, sans traite, les portes sont close dans ce cosmos où je m'entête. La chance de m'éviter et m'arrache du pic. Je tire les cartes et nous sort que du pic. C'est le mental de ma clé qui s'applique, qui rapplique et s'évade de la pointe du pic. J'ai pas affaire à toi si t'es juste bon à faire de la cité qui craint. Je suis comme Jésus, mais moi c'est dans ta gueule que je multiplie les pas insupportables. T'écoutes les ondes, t'as l'écouteur qui saute, leur planète rap n'est plus qu'un téléthon. Spécial rappeur prison, toujours plus de violence. La brigade est débridée, tu cherches du calme et manque de faux. Chez nous toutes les pécanes sont débridées. Si t'es déprimé, je comprends. On s'accroche plus qu'à nos rêves, d'heure des clochards remplis de morpions. On réduit toute la puce à l'oreille. Des vegas poussent le bouchon trop loin, pas facile. L'attraper. Depuis que je tease le film de ma vie, ne peut porter qu'un nom, ma vessie va craquer. Cette vie me fout le bourdon, mais vas-y, je prends pas la mouche. Chaque les soirées alcoolisées qui nous foutent l'eau à la bouche. J'essaye de m'en sortir, mais j'ai que dalle sur mon compte PayPal. J'fais mon taf de grossiste, car quand je paierai, je fais pas de détails. J'suis plus tout seul depuis que la tease réunit les gens tristes. Dans le rap, j'ai tellement pris mon pied que pour me comprendre, faut être uni, j'en pis. J'ai peur que tout s'écroule, j'aime faire du son, chacun ses goûts. Car avec moi, les putes, c'est comme les phrases, elles prennent un point, c'est tout.